En Corée, sont découverts nouvellement des vestiges du temps primitif et des antiquités dans la commune d'Onsan du district de Seonbon de la ville de Lasson. Au bout des fouilles dans ce district, les archéologues de l'Académie des sciences sociales et les hommes chargés de la protection du patrimoine national de Lasson ont découvert un endroit ombragé de roches du temps primitif, deux dolmens, un emplacement d'habitation et un millier de vestiges des antiquités.